bienvenue dans ce podcast. Comme chaque semaine, on est là pour vous accompagner. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un jour, tu vas donner une crise cardiaque aux pauvres personnes qui nous écoutent. Qui ça a pris peur? Ouais, là, je saigne des oreilles. Faut prendre doucement, genre bonsoir, bonjour. Mollement, oui. Mollement, calmement. Faut y aller avec tendresse. Ah. Un petit peu de relaxation. C'est d'ailleurs ce qu'il y aura tout à l'heure. Oui, ça vous allez voir dans un instant. On va avoir une séance de méditation. Ah, si vous êtes un peu tendu là sur cette fin de semaine, voire ce week-end, on a ce qu'il faut pour vous détendre. Non mais j'avais un petit communiqué de la part de la radio qui nous diffuse, parce que oui, ce n'est pas qu'un podcast. On est une émission radio de base. Radio. Et diffusée donc sur une radio. Les patrons de cette radio m'ont demandé de ne plus faire quelque chose en particulier. Vous savez quoi? Non. Quoi? Passer du régime? Non, non, non, non. Une idée, peut-être? Faire le forain? Tu n'es pas loin de la vérité. Oui, tout à fait, c'est faire le forain. La direction de la radio m'a demandé d'arrêter. Mais en podcast, je fais absolument ce que je veux. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. C'est aussi pour les filles. Le soutif. Ah wow. Maëva a fait des appels de phare. Et Kix invite sa mère à danser. Et tu danses avec lui. Lui. La tête sur son épaule. Attention maman, tu baves. Tu fermes un oui. Peu les oui, juste là tu baves. Oui, attention. Et l'ambiance est à son maximum. You better run and hide. Antoine et le troisième âge. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière, les genoux pliés, les genoux pliés, et tic, et tic, et tac, et tac, et tic, et tac, et tic, et tac, et tic, et tac, et tic. Roulez, jeunesse. Voilà. Je suis pas sûr que ça va être bon pour le podcast. Ah merde. Bah. Ah c'est con parce que moi je. Non, ok. Mais restez du coup, parce qu'il y aura plus ça dans. Tu crois qu'il reste encore quelqu'un? On parle dans le vide là. Hein. Ah, mais si vous êtes toujours là parce que voilà, le bouton est calé, restez, il y aura plus ça après, promis. Mais je. Non. Podcast alors. Oui, bonne écoute. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Bonsoir, bienvenue, on est là avec vous comme chaque semaine pour vous accompagner. J'espère que tout va bien de l'autre côté de la radio. Oui, je m'appelle Jadoul. Ah bon? Enchanté. Dans le doute, hein. Vraiment dans le doute. Et j'ai une joyeuse équipe autour de moi. Avant de vous les présenter, laissez-moi vous dire que dans cette émission, on va avoir une séance de relaxation. Yes. Ah, ça va nous faire du bien. Spécial pensée positive. Ok. Ah. Good vibes only. Eh bien écoute, c'est ce qu'on avait besoin. Tout à fait. Tout à fait. En plus de ça, on aura notre horoscope, le Végastral. Aïe, ça va être beau ça encore. Dominique Vegas, notre spécialiste horoscopiste, sera là. On espère que vous serez dans le signe fort de la semaine. Oui, c'est un délire. Il a ses cartes, il a son expérience, vous allez voir, ça va être sympa. Qui sera notre invité? Shai. Shai, la rappeuse belge, oui. Ah ok, d'accord. Ça se prononce pas Shai. Chez. Chez. Chez. Oh, on embrasse aussi tous nos amis qui finissent le ramadan aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Eh, c'est la fin là, ça y est, là, on va pouvoir s'empiffrer. Hein. Yes. Tout ce qu'ils ont perdu, les pauvres, pendant cette période-là, ils vont tout reprendre ce soir. Oh, c'est génial. Avant ça, on démarre avec cette info. Ah. Constatant la baisse de productivité de tous ces salariés, allergique durant la saison des pollens, au Japon, des entreprises payent un voyage aux salariés allergiques pour s'exiler loin du pollen. Trop bien. C'est génial. Ouais. Alors ça veut dire qu'un salarié allergique est éligible à une subvention de 1200 euros pour aller s'installer en dehors de sa région, là où le pollen sévit moins. Ok. Ouais. Près de 20% des entreprises autorisent leurs salariés aussi à télétravailler s'ils ne veulent pas déménager. Ouais, non, c'est quand même mieux déménager. Enfin, ça dépend. Il y a des contraintes. Mais je suis un salarié allergique. Oui, mais tu n'es pas mon employé. Tu es en contrat d'intermittence. Du spectacle. Mais je glisse ça au cas où, si jamais... Kix ? Oui. T'es allergique ? Oui. Tu devrais t'installer où, là ? Imagine, on te donne le budget, là. Tu vas t'installer où ? Au Québec. Au Québec ? Ouais, j'aime bien le Québec. Oh. C'est génial. Tabarnak. Ok. Pourquoi pour le climat? Pour Bah j'aime bien déjà l'accent et puis j'aime bien oui le je sais pas. J'écoute souvent la radio. J'ai décidé de déménager à Charleroi parce que j'adore la voix qu'ils ont là-bas. Non, je sais pas, c'est un autre univers, c'est un autre continent et pourquoi pas une autre culture aussi. Tu parlais du Canada, pas de Charleroi. Oui, non, pas Charleroi non. Maëva. Bah, ça va pas m'aider pour le pollen, mais moi j'aimerais bien aller vivre à Paris. Je suis une girafe. Je sais que je suis grande, j'adoule, mais quand même. Je sais pas, le son s'appelait la Tour Eiffel, donc j'ai cru que ça allait chanter la Tour Eiffel. Mais pas du tout. Je suis une girafe. Mais à Paris, il y a autant de pollen. Mais oui, ça va pas nous arranger, mais tu m'as dit où tu veux aller si tu pouvais. J'ai pas réfléchi à mes allergies. Allez, change, là, maintenant, tout de suite, tu veux. Mais où il y a pas d'allergie, à part aller sur le pôle Nord, je vois pas, hein, en Alaska. Allez. Le pôle Nord, c'est vendu. Non, l'Alaska, c'est chouette. Il fait jour tout le temps et puis il fait nuit tout le temps. Ça doit être marrant. Mais t'es une marmotte. Ouais. Non, je suis une girafe. Et Antoine, bonsoir. Mais bonsoir. Alors, si on doit t'exiler, là, contre le... T'es allergique au pollen? Oui, pour le coup, oui, vraiment fort. Aïe. Bon, allez, c'est quoi? On double le budget. Tu vas où tu veux? Dans le monde. Ah, tu vas où? Écoute, initialement... J'aurais bien dit l'Allemagne, mais comme... Ah ouais. Derek. Forcément. Derek. Comme on le disait avec Maëva pour Paris, ça risque de poser quand même encore quelques soucis niveau allergie. Bah oui. Donc il faut penser plus loin. Bah viens, on va en Alaska à deux. Eh ben, moi j'irai pas très loin de l'Alaska. Ah. Enfin, pas très loin. Quelle est la même latitude? L'Islande. Islande, ah oui. Et tu crois qu'il n'y a pas d'allergie là-bas? Oh, pff. À mon avis, beaucoup moins qu'ici. T'es... Bon, ben, let's go. Tu nous prends deux billets pour l'Islande, t'as déjà vendu. On vient de se faire brûler par les volcans, c'est juste ça. Ouais. Vous savez quoi, étonnamment, celui qui m'a fait le plus rêver là maintenant, c'était Antoine. Waouh. Ah ouais, non, vraiment, l'Islande. Il fait rêver, Antoine. Il fait rêver. Non, Quand j'ai vu. Qu'est-ce l'Allemagne... que toi t'en parles, Maëva? Quand j'ai vu l'Allemagne arriver, je me suis dit, bon, on va encore passer un très chouette moment, Antoine. Et puis. L'Islande, ça, tu sais quoi, ça m'évoque vraiment le voyage, le dépaysement. Bon, l'Alaska aussi. Qu'est-ce qu'elle a la molaire, là, dans mais le fond? Mais l'Alaska aussi, c'est un voyage magique à faire. Mais l'Alaska. L'Alaska. Vous, dites-nous, sur mon Instagram, Jajadoul, on vous donne un budget illimité, enfin, hypothétiquement. vous partez où? Voilà, ça, c'est la grande question qu'on se pose ce soir. Ce sera la question fil rouge, ce soir, qu'on aura oublié dans 3 minutes, mais... On va tâcher de s'en rappeler. Dans un instant, on va avoir le Fallait nous dire plus tôt, Maëva. Oui, c'est parti pour une nouvelle édition de Fallait nous dire plus tôt, version vulgaire. Parce que je vous fais découvrir un gros mot. Mais d'où ça vient? C'est connard. Connard aujourd'hui. Ah oui, voilà, connard. Pourquoi connard? Ça veut dire quoi, connard? Parce que moi, je me suis dit, ta séquence spéciale vulgaire, c'est est-ce que tu nous parles comme une charogne? Non. Alors, le petit, il a deviné? Bon. Connard. Non. J'aime pas dire des gros mots. Non, en plus, t'es vraiment trop mignonne que pour dire des mauvais mots comme ça. Oh. Du coup, elle en profite, là, tu vois, là, elle va se lâcher. Mais elle, c'est mignon, tout passe par sa bouche. Oh, tu sais, c'est un compliment, ça? Enfin, oui, non. Allez, on va s'arrêter. On va couper cette séquence, on va l'isoler. Merci, au revoir. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais... Ça nous fait bien marrer. Mercredi, Jadoul. Merci de nous avoir choisis. Alors attention, j'ai quand même une grande annonce à faire. Ah. On a le coupable. Aïe. La seule personne qui a regardé LN24 ce mois-ci, c'est moi. Et du coup, Ah bah alors du coup, je vais faire un gros débrief là. Ok. On va faire briller notre patrimoine belge. Avec notre humoriste François Pirette. Ah. Oh. Ouais, reçu par Pascal Vrebos sur LN24. Qui êtes-vous vraiment, Thierry Van Coburg ? Eh bien, vous avez donné la réponse en posant la question. François Pirette, ça devait être... c'était une espèce de private joke qui remonte au temps du lycée. Et ça m'a dépassé. Et 41 ans plus tard, je le regrette encore. What ? Okay. C'est super triste. Vous l'avez compris ? On va faire une séance de bonne humeur et de positivité. Positivité. Avec Thierry Van Coburg. Avec aussi toute la bienveillance des questions de Pascal Vrebos. L'âge avançant, est-ce que vous pensez parfois à la mort, à votre propre mort ? Alors, je crois que je pense à la mort tous les jours. Mmh. Oh non ! On se détend, c'est plaisant. Mmh. D'autres pensées positives. Donc j'ai fait mon chemin, je ne crois plus en rien, si ce n'est que je reste quand même très curieux d'un mystère. J'ai quand même quelque part le tendre espoir que tout cela n'est pas que le fruit d'un hasard et qu'il y a malgré tout une raison cosmique aux choses. Ah bah oui ! Avant que les frères Bogdanov ne redébarquent de là-haut. Je vous propose plutôt de faire un jeu. En un mot, un verbe, un adjectif pour les personnages qui vont arriver. Thierry Van Coburg, un mot. Une erreur. Oh, allez. Oh, allez. Good vibes. On continue. Pour un gars aussi jovial, humoriste, ça coule de source comme métier, non ? Je vais pas dire que monter sur scène pour faire rire les gens, c'est une souffrance, mais c'est... Je ne me sens pas dans ma nature. Voilà. Alors, un gars aussi jovial, franchement, on pensait que c'était son exutoire humoriste. Quand je me mets des bigoudis sur la tête, attention, on ne me met pas une baïonnette dans le dos pour aller le faire. Oui. Pourtant, regardez, je me vois là, ça ne semble pas. Moi-même, j'ai une espèce de schizophrénie. Ah oui. Allez. Bon. Après toutes ces belles paroles, je vous propose qu'on termine cette séance par la compilation de ses meilleures incantations pour vous détendre. En lui disant quoi ? Voyelle. Allez. Ah, j'ai trouvé la fuite. Mais ça se dégonflait, moi je m'inquiétais. Vraiment. Allez, un dernier mot avant de partir, François Pirette. Parce que si un dieu existe ou une déesse, il ou elle doit avoir un humour fou, non ? Non, il ou elle devrait avoir honte. Voilà qui est dit. Merci. Mais quelle horreur ! Allez, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais on doit s'inquiéter ? Oui, je pense. Ouais. Comment je crois que c'était un appel à l'aide, cette interview. Hein. J'espère que ses proches ont pris leurs précautions. J'espère que ses proches ont vu ça. Oui. Ben oui, il va nous faire une Stromae, là. Oh, je suis pas du tout détendue et pas du tout positive. Oui, c'était l'ironie de la chronique. Mais oui, mais... Comment tu veux faire une transition après ça ? Bah, en poussant sur ce bouton. Tous les mercredis. C'est avec Jadoul. En podcast. Ah, là, maintenant, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on va apprendre ? Parce que la déesse du savoir dans cette émission porte un nom. La Molaire. Oh non ! Non. Disons un autre. Maëva. Ouais, c'est mieux. Beaucoup okay. mieux. Vendu. Maëva va nous apprendre un nouveau mot. Oui, un nouveau gros mot. C'est la spéciale d'où viennent les gros mots. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire, connard, et ça vient d'où ? D'où viennent les grumeaux ? Non, connard. Ça vient d'où ? Connard. Waouh ! Elle m'a regardé avec des grands yeux en me le disant, je l'ai pris personnellement. C'est ça qui est marrant avec cette façon de faire. Du coup, Kix, connard, ça veut dire quoi ? C'est peut-être un habitant de la Conraditude, je sais pas. N'importe quoi. La ville de Conrad. Antoine, connard, ça veut dire quoi ? Elle adore, elle kiffe. Eh bien écoute, je sais pas moi, est-ce que c'est lié avec une partie du corps ? Non. Non, pas du tout. Pas du aucune tout. Idée. Aucune idée. Jadoul. Jadoul. Moi, je suis convaincu que c'est un nom de famille. Non. Mais on a inversé deux lettres et. Conrad. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je connais okay. la célèbre. Mais ça vient d'un autre mot. C'est vrai que c'est un truc, mais pas un prénom. Enfin, il m'a coupé la parole. Mais je voulais t'aider. Ok, vas-y. Redis-le. L'indice. Ça vient d'un mot, mais pas d'un prénom. Pas de Conrad. Non. Ah merde. Ah, ça vient de péter toute ma théorie parce que moi, je connaissais le célèbre adage qui disait. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Okay. Bon, Jean-Pierre bah, Pernaut. Bon, personne n'a la solution. Non. Du coup, il y a deux possibilités en fait avec connard. C'est marrant de dire des gros mots comme ça à l'antenne. La première, c'est que c'est un peu le dérivé d'un très ancien mot, cornard, qui en gros, si tu prends l'étymologie, ça vient de corne, l'homme qui porte des cornes, donc en gros, cocu. Ah, c'est pas l'homme un mauvais russe. Okay. Donc c'était voilà, on avait développé un peu cornard qui venait connard. Ou alors, autre possibilité, c'est le dérivé du mot con en fait, tout simplement. On a rajouté le suffixe ar pour donner un peu plus d'intensité. Donc en gros, connard, c'est un gros con. Et on se rappelle quand j'avais fait la dernière version d'où viennent les gros mots, j'avais justement fait deviner le mot con. Qu'est-ce que ça voulait dire con? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Pas du tout. Pas du tout. Ça, je vois que c'est utile ce que je fais, j'adore. Mais c'est utile, mais c'est. J'espère mais que certains auditeurs s'en souviennent. Ça voulait dire la vulve de la femme en gros. Ah oui, ça. Ah oui, on s'était bah oui, voilà. Avec et donc ça, du coup, connard, c'est grosse vulve. Voilà. Avec donc, plaisir. Wow. Donc il y a deux connards. Il y a deux connards. Mais moi j'en vois deux ici dans la pièce. Oh, je rigole. Quoi, ils ont des têtes de vulve? J'ai pas compris votre blague. Deux, on est trois. Qui est le deuxième? À vous deux. Ou qui est le premier d'ailleurs? À vous de trouver. Cakes. Bon. Ah, c'est quoi le mot? Cornard. Cornard. Il est cocu. Oh non, je suis désolée. Oh là là. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Trop compliqué. Mais en gros, en deux mots, connard, ça vient de. Cornard ou con, juste avec le suffixe ar pour plus d'intensité. Parfait. Oh, pour plus d'intensité. Et donc là, nous sommes en direct du rond-point de Mézières et on aperçoit que oui, effectivement, ils ont changé d'expression au volant. Ils ne disent plus pauvre con, ils disent cornard. Voilà. Et du coup. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Les médecins démissionnent. Non ! Non ! On veut pas ! Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable ! Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Comme chaque semaine, c'est devenu un véritable rendez-vous. Il est là pour sa séquence de voyance. Il s'est installé en studio pour son Végastral. Bonsoir Dominique. Bonsoir Zadoul, bonsoir à votre équipe. Je suis le voyant des astres et le désastre des voyants. Pardon. J'ai calé sur votre t-shirt. Il a fait chaud aujourd'hui, Dominique. Oui, c'est un petit peu des oui, ça va. Auréoles sous les bras. Oui, merci. C'est les poils qui collent. Mais ne soulevez pas votre bras. Merci. Bon, vous avez profité du beau temps sinon cette semaine, Dominique? Évidemment, évidemment. Ça me s'est pris un petit thé en terrasse avec maman ce matin. J'ai pris verveine citronnée. Oh, c'est agréable. Vous avez une vie palpitante. Dominique, quel est le signe fort cette semaine? Les Verseaux. Les Verseaux, comme Antoine, non? Oui, tout à fait, c'est bien le cas. Ah, en direct de Washington. Eh bien oui! Verseaux, donc, ils disent quoi vos cartes pour les Verseaux? Alors, vous ferez... Ah oui, c'est bien ça, oui, vous ferez de votre foyer un vrai cocoon. Cocoon, c'est un club qui est près de chez moi. Oui, bon, allez. Grâce à votre chaleureuse disponibilité et votre infidélité. Pardon. Indéfécable, indéfectible tendresse. Toutefois, votre partenaire rêve d'une ambiance plus sourde et plus ardente. Oh. Ce qui pourrait vous aider, c'est un petit kit. Encore des huiles essentielles, je présume, Dominique? Non, non, non, non, non. Un petit kit que j'ai toujours dans ma sacoche. Regardez. Ne faites pas attention à l'usure sur la scène des menottes. Ah, ça, c'est étonnant. Bah ouais. Les menottes, évidemment, oui, Dominique. Oui, bah, oui, oui. Je ne veux pas trop en dévoiler sur ma vie privée. Si on est. C'est pas ma vie qu'on doit regarder, c'est les Verseaux. Ouais, je me doute que vous n'ayez jamais trouvé quelqu'un pour les utiliser avec vous. Bon, on poursuit avec vos prévisions pour les Verseaux. Les prévisions. Oui. Vous avez l'abcuffé. Oui, et bien vous avez un gros cheveu sur la langue et pourtant je dis pas que vous avez une perruque. C'est très aimable, je le prends comme un compliment. célibataire, votre charme sera très efficace si vous vous décidez à sortir de votre routine. Pardon. Décidément. Oui, je suis désolé. Allez, on continue le tirage des cartes, on va voir ce que ça dit d'autre. Verseau, on rappelle. Ah oui. Elles me disent que vous devez penser à votre bien-être, eh bien, oui, évidemment, pour pouvoir rester disponible et agréable avec vos proches. Merci beaucoup, Mère Dinique. Pardon. Vous m'avez contaminé. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Je vous ai déjà dit que je suis fan d'Hercule Poirot. Ah non, pas du tout. Vous m'apprenez quelque chose, mais si ça vous dérange pas, on est toujours à l'antenne. On va voir ça hors antenne. On va attendre que les micros soient éteints. Je tiens à vous le dire parce qu'on voit toujours Hercule. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu son Poirot. Mais... Je ne comprends pas. Pourquoi il s'appelle comme ça, là ? Ah, mais arrêtez, mais Dominique, tu vois. Voilà, ça, c'était encore la phrase de trop. Bah, bravo, Dominique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Végastral. D'ici là, au revoir. Oui, avec plaisir. Bonsoir, soleil. Bonjour, la lune. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien, voilà. Merci, Simone. On ne vous a jamais présenté Simone. Ah, non. Elle est là avec nous ce soir. Bonsoir Simone. Bonsoir Simone. Bonsoir. Non, je sais pas. C'est... On a tenté un truc à l'impro. J'imagine pas là. Mais je sais pas, Simone, elle doit avoir une voix comme ça aussi. Hein. Enfin, non, on a... Ah, j'aime bien ça. Ah oui. Ouais. Attends, on la refait. Et on vous présente Simone. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment elle va? Ça va, il vous dit. Oh, on vous aime bien. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît, la musique que j'aime bien de Denis Roussos? Ah oui, laquelle? On en a plein, hein, nous. Denis Roussos. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Moi, j'aime bien Denis Roussos. Denis ou Roussos, il faut choisir. Ah oui, les sourdes, pardon, je n'avais pas compris. Bon, je vous propose qu'en attendant... Monsieur Brut, ça vous grandit. Le retour de l'interview brutale. Yeah. On alterne, Combini, Brut. Voilà, comme ça on aura des procès avec les deux. On fait pas de jaloux. Une femme talentueuse, qui a écrit ça? Bref, une femme talentueuse est une nouvelle fois mise à l'honneur dans cette séquence. Cette semaine, notre invitée est la rappeuse belge Shay, avec, vous savez, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai char, je suis dans le viseur du comté. Je suis dans le véno. Vraie chanson plus pute, ça. Il m'a dit, je suis sans cœur, je vois bien qu'il s'attache. Moi, je t'as la pas, ça me touche pas, je sens. Je suis sûr qu'il y a des bruits de grincement là, comme dans tous les trucs oui. de rap là, pour le bah oui. Il y en avait, bah voilà, je l'ai vu arriver à 12 km. Ah, bon, tu vas bien, Shay? Ouais. Super, pas trop stressé? Moi, je parle pas. Bah, ça va être compliqué, hein. Nous, on va reprendre des passages de ton interview chez Brut. On en fait une interview brutale car ils devront compléter avec des questions drôles avant tes réponses, c'est le concept. Ça m'angoisse. Allez, c'est plutôt l'équipe qui doit angoisser, je pense, hein. Voilà, on verra. Hein. S'il y a autant d'auditeurs, c'est parce que ça fonctionne. Oui, bon, on leur trouve pas d'excuses. C'est bon, c'est fini. Petit message pour la fabrication des sons. Oui, vous les avez pas très très bien coupés, mais ça ferait l'affaire. Ah là là, j'ai pas gagné des points là. Pas grave. C'était fait par une sourde qui est à table, peut-être. Oui, oui. Un jour, on débriefera comment tu as préparé cette séquence. En attendant, je vous propose qu'on fasse la première question. On fait rapidement le tour de table parce qu'on est méga à la bourre. Antoine? Alors, quand tu viens de rentrer des courses, que tu vas dans ta cuisine et que tu te rends compte qu'il n'y a quasiment plus de pain... J'ai la haine. Maëva. Attends, Antoine. Voilà. Quand la machine à Miché qui est en panne et alors que je vais commander chez McDo... J'ai la haine. Tu dis toujours Miché. Milkshake. Milkshake. Miché. Miché. Milkshake. Kix. J'ai trouvé un billet de sang par terre, mais je l'ai oublié dans mon jeans qui est dans la machine à laver. J'ai la haine. Bien, bravo. Drôle. Humour. Donc Maëva. Bah, il faut bien qu'il y ait un gagnant. Hein. Merci patron. On ne sait pas qui a écrit ta blague. Antoine. Les conducteurs qui usent de leur clignotant avant de tourner. On n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup. Ah, c'est vrai ça. Ouais. Les bus, ils se prennent pour les rois du pétrole des fois. Ouais. Ils ouvrent la fenêtre puis ils commencent à gueuler et tout. Alors ok, sous prétexte qu'ils ont quelques bandes qui leur sont réservées, c'est pas pour autant que, hein, à un moment, un rond-point, ça reste un rond-point. Merci, t'as raison Antoine, bravo. T'as fait avancer la communauté. Maëva. Des hommes gentils, drôles et respectueux. On n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup. Même jamais. Ouais. Kix. On a fait les chauffeurs de bus, bah moi je fais les cyclistes. Les cyclistes qui s'arrêtent au feu rouge. On n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup. Bravo jeune homme, je vous serre la main. Ah ben, ça c'est, colle. C'est la séquence qui dénonce. C'était moite cette main, Jadoul. C'est pas moite. Et j'ai donné la plus sèche. Oh. C'est des pieds, c'est pas des mains. Oh, quelle horreur. Tu m'étonnes que ton écran tactile, on le lave toutes les semaines. Oh. D'un côté, j'ai le savon et l'autre, la main avec de l'eau. Vous avez vu pourquoi je réalise moi-même cette émission ? On le mettra à la console, il serait flingué. Troisième question, Antoine. Quand je suis en Belgique et que je vois 5G sur mon téléphone... Ça fait toujours un peu bizarre. Bah, c'est surtout que c'est très rare, quoi. Il faut vraiment être dans la zone. C'est en train d'arriver, là. Doucement, doucement. Ouais, attends, je regarde mon téléphone. Ah, bah non, attends, je suis chez Proximus, j'ai aucun réseau. Voilà. Oh, le petit tacle. Maëva. Prendre les ronds-points à un contresens. Ça fait toujours un peu bizarre. Mais on s'y habitue. Elle est honnête. Ouais, pour une fois. Je rigole, énorme. Et il n'y a pas de ça qu'elle prend un contresens, on se rappelle de l'autoroute. Hein. Oh, non, c'est pas vrai, c'était sur... Oh non, mais les gens vont te croire. C'était sur une aire d'autoroute, en fait. C'est quand même un contresens. Mais oui, mais... J'ai coupé son micro, et donc en fait, la vérité, c'est qu'elle a vraiment pris l'autoroute à contresens. Non, l'aire d'autoroute, et il y avait... Allez, c'est bon, on se censure. T'as de la chance d'avoir un bouton on. Personne. Ce n'est pas une excuse. Les dents de Didier Deschamps. Ça fait toujours un peu bizarre. Oh. Même s'il les a refaites. Bon, franchement, désolé, Kix. C'est pas grave. Vous avez été très drôle là sur cette dernière, Antoine et Maëva. Bravo. Bon, bah merci. C'est tout, on a tout fait. Bah oui. C'est bon. Allez, fuis. On peut remballer. L'actu connecté. Internet. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Et Antoine qui est notre spécialiste pour ça. Et oui, on va commencer tout de suite avec les nouvelles offres récemment lancées sur le réseau Fibre. Fibre de Proximus. Proximus, tout à fait. Direction Mobile Vikings qui va s'adresser aux amateurs de vitesse. Puisque jusqu'à présent, vous aviez deux formules possibles. 100 mégas descendant, 40 mégas montant pour 40 euros par mois. 1 giga descendant, 500 mégas montant pour 55 euros par mois. S'ajoute maintenant 5 gigabits par seconde descendant, 1 giga montant pour 90 euros par mois pour Internet seul. Alors ça fait un petit peu cher. Hein. Alors pour vous donner un exemple, voilà, vous devez télécharger un film de vacances de 10 gigas, dirons-nous, sur Internet. Un film d'une heure 20. Voilà, par exemple, ça vous mettra... De vacances, bien sûr. Bien sûr. 13 minutes 20 avec la première offre, 1 minute 20 avec la deuxième offre et 16 secondes seulement avec la nouvelle formule que vient de lancer Mobile Vikings. Voilà, c'est un petit exemple. Alors, il y a peu d'appareils abordables hein, capables de gérer cette vitesse, mais ça peut être aussi utilisé pour avoir 1 giga symétrique sur plusieurs appareils simultanément. Voilà, vous avez votre ordinateur, votre Apple TV, peut-être l'autre ordinateur qui permet de faire du gaming. Ah, c'est pour que même s'il y a beaucoup de monde à la maison, c'est tout ça. Le monde ait de la connexion. Tout à fait, ça permet d'avoir comme ça, de diviser sa bande passante. C'est alors... le concept de la douche. C'est vrai, si le tuyau d'arrivée d'eau dans la rue est tout petit, et si tout le monde prend sa douche en même temps... Quel cauchemar. Bah voilà. Ou quelqu'un qui va aux toilettes pendant que t'es sous la douche. Bah t'as et... du pipi de chat à la place d'avoir une vraie c'est douche. Ah ben. Et donc là, gros tuyau, gros voilà. Truc de connexion. Voilà, c'est la seule offre internet supérieure à 1 gigabit par seconde, vendue seule. Les autres, à faire ça, c'est Proximus, mais il faut un pack obligatoirement. Et vous avez une réduction de 3 euros par mois si vous ajoutez un GSM. C'est vraiment une offre qui se destine à ceux qui veulent de la vitesse et qui n'ont pas forcément besoin de télévision ou de ligne fixe. Et pour ceux qui veulent vraiment, mais genre la base de la base... Il y a aussi du neuf. Et ça vient là de chez Scarlett. C'était la dernière marque du groupe Proximus à ne pas être présente sur la fibre optique, puisqu'il y a quelques années, des clients qui étaient chez Scarlett et qui étaient migrés sur la fibre, et bien, se sont vus migrer de manière forcée chez Proximus parce que Scarlett n'était pas présente sur la fibre optique. Donc maintenant, il y a une option vitesse fibre, 200 mégas descendant, 20 mégas montant, 6 minutes 39 pour télécharger votre film de vacances de 10 gigas. Ça vous coûtera 10 euros de plus par mois par rapport au prix de base d'un pack. C'est l'alternative... la moins chère sur la fibre à Proximus si on veut la télé avec un décodeur, de l'internet et de la téléphonie fixe ou mobile, mais si on n'a pas envie de toute l'offre TV ni de la vitesse de ouf. C'est donc à partir de 52 euros par mois pour le pack avec la ligne fixe et 60 euros par mois avec un GSM. Alors que Télénet, c'est 70 balles par mois juste pour internet. Bon, dernière info. Petit message en passant. Oui, vraiment, ça c'est personnel ça. Hein. Dernière info en bref, on attend toujours que Apple renouvelle ses fameux iPads. Oui, parce que depuis le lancement de l'iPad, c'est la première fois qu'on attend aussi longtemps l'annonce de la nouvelle génération d'iPad. On parle maintenant de début mai. Alors, il devrait avoir un écran OLED qui consomme moins, avec de meilleurs contrastes pour les iPad Pro et possiblement une nouvelle iPad Air de 13 pouces, mais ça, affaire à suivre. Merci Antoine. Avec plaisir. Claire, concis, tout comme ce qui arrive. La chanson de la semaine, c'est un moment de poésie. Un moment aux mots profonds offert par Radio Falminiul. Quand je t'ai vu, j'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses. Ok. J'avoue, c'est pas vrai, je le confesse. Mais je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses. Hein. Et le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Et c'est très sincèrement que je te chante, que c'est avec classe que j'admire. Si tu le permets, crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire. Et tu le sais, ça se voit. C'est avec classe que je te désire, mais... dans le respect, en tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois. C'était un extrait de l'œuvre Avec classe de Aya Nakamura, Corneille et Trinix. Chers amoureux des mots, bonsoir. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Pardon, meilleur début de séquence. Je voulais tester mon buzzer, mais j'étais pas à la bonne page. Attends, hop là. C'est bon. Parfait, tout le monde a son buzzer. On peut donc commencer à deviner, enfin à trouver la première personnalité avec ce premier indice. On a des chansons qu'on redécouvre, mais... des chansons qu'on connaissait moins. C'est le cas, je sais pas, par exemple, d'une chanson d'un des derniers albums, je crois, Rouge Ardent. Vous teniez à refaire découvrir ces titres-là. Alors, qui a fait quoi? Parce que là, je vois Jadoul qui vient de s'éclater le doigt, se péter une phalange. Péter l'écran, je pense. J'ai loupé le buzzer. C'est-à-dire que je me suis éclaté la phalange, effectivement, mais à côté du buzzer, au lieu de faire... Oui. Non, en appuyant tout doucement, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Oui, Axel Red. C'est une bonne réponse. Merci. Tu connais le nom des albums d'Axel Red? Rouge Ardent. Alors, si tu veux vraiment tout savoir, on écoutait ça quand on allait à la mer avec Kix. Ouah, il a de la mémoire. Oui, ça n'arrive pas souvent. J'adore la mémoire. Et alors, je me souviendrai toute ma vie que c'était la chanson qui annonçait la pluie, puisque dès qu'on mettait l'album Rouge Ardent d'Axel Red, il y avait de la pluie et les essuie-glaces battaient sur cette musique. Purée, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, wow. Tu te souviens, hein? C'est fou. Là, pour le coup, c'est toi qui me rappelles quelque chose. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Axel Red était la première personnalité à découvrir. Voici tout de suite la deuxième personnalité avec ce premier indice. Ok, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je sens un peu gêné là quand même. Première fois que je vous montre vraiment. Ça va? Tout simplement. Je sais pas, j'y vais au culot, Squeezie. Ah, Sylvain, vous êtes fort aujourd'hui. Ouais, quand elle était tout jeune. Ah, mais vraiment tout jeune. Il y a des petites intonations que j'ai reconnues, mais j'étais pas sûre. Avec le son qui est dégueulasse. Ouais. Je vous mets tout de suite les deux autres sons. Pardon, je suis en train de bégayer. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites? Attends, et coupe. Vous êtes? Oui. On a changé de manche ou tu nous fais écouter non, les deux sons de Kix? Attends, on se parle dans les casques en même temps, donc c'est un peu compliqué. Non, c'est toujours Squeezie, je mets juste le deuxième indice de Squeezie. Oui, qu'on savoure voilà. Les autres indices. Voilà. Voilà. Fais bien de le rappeler. On n'était pas sur une troisième manche. Voici le deuxième indice donc, de Squeezie. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous êtes parvenu à cette renommée incroyable? Eh bien, je fais des vidéos sur YouTube, une plateforme de vidéos. Oh, c'est mignon voilà. Il y avait le troisième. J'ai l'impression d'expliquer mon métier à ma famille. Non, j'ai meilleur, je vais vous mettre le bonus. Ça, c'est vraiment du Squeezie. Bien tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur un jeu, on se retrouve parce que j'ai envie de vous parler, de vous dire un petit peu quelques trucs. Mais voilà. Tu sais quoi? Ça, c'est tout ce que j'ai détesté sur YouTube les 15 dernières années. C'est-à-dire tous les gens qui se sont dit ouais, moi, je suis. C'est le combien? 150. C'est le 157 bonus. 157? Voilà, j'imagine. Tous les youtubeurs qui ont tous démarré leur carrière ces 15 dernières années par. Bien tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve non pas sur. Tout le temps. Mais donc tu regardes une vidéo ouais, sur l'appareil photo, sur je sais pas, une fontaine, un jardin. Bien tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve non pas sur. Non, par contre tu vas pas critiquer Squeezie, par contre, ça c'est pas possible. Oula, il y a une tension là entre. J'adore Squeezie, je trouve. Mais j'aime aussi Squeezie, mais je veux dire, le style. T'aimes pas les. Le style d'il y a 15 ans. Bien tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve non pas sur. D'il y a 15 ans, il faut encore ça maintenant. Mon petit frère regarde encore des vidéos YouTube des jeunes youtubeurs que je ne connais plus. Il est beaucoup plus posé, il fume beaucoup. Enfin, il est beaucoup plus calme maintenant. Oui, Squeezie, mais les nouveaux, les petits jeunes maintenant, c'est aussi. Oui, mais ça, c'est voilà. Mais Squeezie, il a changé, il a évolué. Ah oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a grandi avec lui. Oui, et il a mûri, il est beaucoup mieux maintenant. Troisième manche. Son salaire aussi d'ailleurs. Troisième personnalité à deviner, et voici le premier indice. It is good, it's back to me. T'es pas rappel, obligé de danser hein. Pour rappel, c'est une égalité pour l'instant entre Jadoul et Maeva. Bon Antoine, il faut que tu marques un point. Comme ouais. Ça on est vraiment dans la merde. Ouais, c'est mal parti. Non, on a pas ça. Pas d'idée. Vous l'avez non. Pas. Deuxième indice. Moi j'aime pas Ikea. Enfin c'est pas que j'aime pas Ikea, c'est pratique. Jadoul, y aller. Jadoul. Oh non. J'allais dire Gad Elmaleh. Mais c'est pas Gad Elmaleh. Bon, je dis Gad Elmaleh, de toute façon j'ai buzzé. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Ça fait une victoire de Jadoul avec 2 points. Mais il y a eu de la triche là. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est. Ah non, c'est pas Gad Elmaleh. Ah ben si, c'est Gad Elmaleh. Ah ben c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie du complot, Maëva? C'est que je suis une mauvaise perdante. Ah oui, mais ça on n'avait jamais remarqué. Bon, moi je l'assume. Bah quoi, oh là là, tout de suite là, elle est comme ça en train de dire on est un complot. Bah oui, tout ça c'est du complot. Détends-toi. Tu es détendu? Non. Bon, ce qu'on pense à la séance feel good du début. Là. Oui, c'est vrai. Je sais comment la détendre. Vas-y, vas-y. Bien tout le monde, c'est Squeezie aujourd'hui. Parce que j'ai envie. Le truc qui détend le moins de la terre. Oh mon dieu. Allez, mais si. Maëva, tu vas t'en remettre. Oui, oui, ça va, ça va. Allez, on fait la paix. La paix. C'est fair play. Play. Paix. Waouh. Tout le monde s'embrouille. Oui, allez. On fait la paix, Jadoul. Attends, je te. Il se touche du doigt. Voilà. On a fait un petit contact physique, ça va mieux. Là, d'un coup, je suis super détendue. Et moi, j'ai super chaud. Jadoul. Ouais. Tu veux bien allumer la clim, s'il te plaît? Attends, j'aimerais d'abord allumer ta réverb. Ah oui, ce sera mieux. Allez, parle un peu. Oui. Ah. Ah, c'est beaucoup mieux. Il y en a même trop. Ça fait cathédrale. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Eh bien, j'ai un peu chaud. Comme chaque semaine? Oui, parce que tu es là. Et surtout parce que... C'est la deuxième heure. Et quelle heure est-il? Et il est 21h. Tous les mercredis... C'est la trappe. Jadoul et toute son équipe partout en podcast. Jadoul. Vous nous rejoignez maintenant, c'est la deuxième heure de cette émission qui démarre. Et j'ai vraiment chaud. C'était pas une blague juste pour la deuxième heure. Oh, j'avais pas vécu. Pour ceux qui nous rejoignent en podcast, enfin pour ceux qui sont dans la continuité du podcast, Maëva est obligée de vous le refaire du coup. Non. Oh, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je disais que j'avais chaud pour annoncer la deuxième heure ou la deuxième partie de ce podcast. Mais c'est pas une blague, j'ai vraiment chaud. D'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Ce qu'on va faire, c'est que Antoine va te fabriquer un éventail. Voilà. Je peux essayer avec mon iPhone, mais... Il faudra ouvrir la fenêtre lors des musiques, peut-être. Ah, oui, pendant les musiques, parce que si on l'ouvre pendant l'émission... On va avoir... Ouais. Avance. Ah, mais ça peut faire une émission en public. Hein. Voici le résultat. Petite ambiance terrasse. Oula. Oula. Allez, on va répéter le stop. Alors attention, on fait un test là en direct. Bah, franchement, ça va en fait. Le traitement fait le nécessaire. Ouais, on n'entend pas. Ah, mais si vous êtes sur le boulevard Mézières, surtout ne klaxonnez pas, vous mettez en péril l'émission sinon. Ouais, ouais, si vous faites ça. Oh, attends. Oh, oui, ça fait du bien cette brise. Oh, oh, cet air frais. Attendez, je me mets dans la fenêtre. Oh. Ne saute pas, Jadoul. Attendez, moi je suis parti, je suis dehors, c'est bon. En fait, il a attrapé sa mort. Oh. En avril, ne te découvre pas d'un fil, on rappelle. Hein. Donc, on referme cette fenêtre voilà, et on reprend le cours de cette émission. Merci. Merci, Jadoul. Il est l'heure de faire nos inflops avec cette première. Une jeune Anglaise de 23 ans a coché une série de 5 bons numéros à la loterie qui permettent de remporter 10 000 livres, soit environ 11 700 euros. Pendant 30 ans, elle avait tous les numéros gagnants. Ouais. Elle est où l'arnaque ? Si on fait moins 1 à tous les chiffres qui ont été tirés au sort, elle avait tous les bons numéros gagnants. Ah, ouais. Ah, ça c'est horrible. Ah, la déception. Ah ouais, je vous le dis pas. J'espère que toute sa vie n'est pas comme ça. Imaginez si tout était à un truc près chez elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, pardon, c'était hier. J'ai... Oui, pardon, chérie. Ah, tu es la voisine ? Ah, pardon, je m'en vais, désolé, je m'en vais. Ah, ça c'est la porte du frigo. Pardon, je vais envoyer un SMS. Merde, c'est mon paquet de clopes. Attendez, j'ai fait quoi de mon téléphone alors ? Oui, à ce moment-là, on peut se dire que... La vie ne fait pas de cadeaux. Deuxième inflop, en France, je vous présente Richard Plou. Bonsoir Richard. Monsieur Plou. Monsieur Plou. 49 ans, non, ce n'est pas l'inventeur de VLC. J'avais le truc en tête. Il a tenté sa chance pour entrer dans le livre Guinness des records. Ah bon, pourquoi ? Encore un. Il a passé 8 ans à faire une tour Eiffel de 7,19 mètres à l'aide de 706 900 allumettes. Wow. Oh, mais quelle horreur ! Bonne nouvelle, il a le record. Ah, quand même. Dans les faits. Aïe. Parce qu'un petit détail lui a échappé. Ah. Ce record du monde a été invalidé parce que le règlement stipule que les allumettes doivent être à bout rouge soufré. Ah, comme celles qu'on trouve dans le commerce, dans les petits paquets. Ouais. Et sauf que il faut aussi que, selon le règlement, ce bout de soufre soit supprimé en étant gratté et pas coupé. Le gars qui a réalisé sa maquette, Richard, là, il commandait des cartons de 15 kilos de bois d'allumettes directement à l'usine, sans le soufre au bout. Ah, purée. Ouais. Déçu, frustré, Richard espère partir en tournée pour montrer sa maquette. Il a lancé une cagnotte en ligne pour financer les déplacements de cette tour Eiffel de 7,19 mètres. Ça va pas être facile. Ah mais non, ça je te dis que non. D'ailleurs, sa femme s'est lancée dans la tour de Pise en bâtonnet de glace en suivant le règlement à la lettre. Elle a gagné. Bravo. Mais pas pour sa maquette, pour avoir bouffé 15 glaces par jour durant 9 ans sans choper le diabète. Oh oui, mais vous êtes fou. Non, ça c'était faux. Hein. On l'a rajouté pour la blague. Okay. La blagounette. Troisième et dernière info en Angleterre, des toilettes en or 18 carats. En Angleterre ? Mm-hmm. Estimé à 5,6 millions d'euros avaient été dérobés en 2019 dans le palais de Blenheim au Royaume-Uni. Encore plus insolite, à cause de ce cambriolage de toilettes, bah, il y a eu un dégât des eaux parce que les toilettes étaient encore en service quand elles ont été volées. Quoi ? Alors, après plus de 4 ans de suspense, la semaine dernière, un mec de 39 ans a plaidé coupable de cambriolage, de conservation ou de transfert de biens criminels et de complot devant la Crown Court d'Oxford. À tes souhaits. La Cour royale. Ah, ok. D'Oxford. Ah, Crown, t'as dit. Ouais. Mardi dernier, dites-vous que toute la cour royale était réunie au grand complet pour célébrer le retour du trône en or. Le fameux trône en or. Bon, sauf Elisabeth II qui n'était pas là car... Car elle préfère crever. Oh, oh non, ils n'ont pas osé. Ils n'avaient pas osé. Enfin. Monsieur Jadoul, vous n'avez pas osé. Mais la pauvre. Bonne soirée. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ils sont de retour. Ben oui, ah forcément. On est généreux, nous, alors on a décidé de prêter nos émetteurs. À deux... Mopet Show, c'est les vieux du Mopet Show, non? Des professionnels, d'accord. C'est un peu les deux petits vieux du Mopet Show. Mais arrêtez s'ils écoutent. mais c'est pas, en vrai, c'est pas négatif. Moi, non. J'adore les Mopets. Oh, ils sont morts. C'est ma sonnerie de téléphone, d'ailleurs, la chanson des Mopets. C'est pas vrai. Allez, mets ton téléphone à fond. On va vérifier ça tout de suite. C'est pas faire Kermit. Attendez, je vais demander à Siri de t'appeler. Appelle la molaire. Non. Alors là, voilà, c'est bon, il y a ton truc là ? Ouais. Oui, à fond, on va entendre ? Ouais. Allez, on teste en direct. Hein. Allez. Mais tu m'appelles pas ? Ah, si. Ah, mais mets-le à fond ! Mais je suis à fond. Mais oh, mais mets dans le micro ! Mais je suis dans le micro ! Oh. Mais putain, mais c'est pas vrai ! Oh mon dieu ! Donne-moi ton téléphone, je vais le faire moi-même. Mais j'étais dans le micro ! Allez, c'est bien. Non mais attends, on peut essayer comme ça, mais ça m'étonnerait qu'on l'entende. Hein. Ouais, t'as quoi comme iPhone, câble, toi? Le 15 Pro Max. En box. Ouais. C'est grâce au salaire que j'ai. Dernière ici. Génération. Allez, appelle Maëva. Voilà. On met son truc à fond à la madame. On va voir si ça fonctionne. Ouais. D'ailleurs, parfois, je décroche pas. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais vous l'imaginez, elle fait ses courses et dans le magasin, on entend ça? C'est génial! Il y a les paroles et tout en plus. Et parfois, vous m'appelez et je l'ai en main, mais j'attends un peu avant de décrocher juste pour kiffer la musique. Ah bah c'est super, merci. Et pourquoi moi, t'as jamais décroché? Parce que j'aime vraiment bien la musique. 50 euros, Jadoul, 50 euros. Ouais, 50 euros, on y revient, bah oui. Bon, Oui, tout est payant chez Maëva. C'est pas vrai! Ah oh, si! Non. Oh si. Ah, vous avez pas entendu ma sonnerie de message chez les Totally Spies? Ah, j'ai cru que c'était Kim Possible. C'est quoi? On fera ça la semaine prochaine. Oui. C'est quoi? Chaque semaine son plaisir. Ah, je pourrais faire une fois un tuto sur comment personnaliser. Allez, Radio Familioul maintenant, c'est parti. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Familioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont choisi leur mascotte. Oh, Guy, il y a quelqu'un pour toi à la porte d'entrée. Non, c'est normal, ça. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je te présente Falmimi. En revenant des courses tout à l'heure, je l'ai trouvé dans le magasin. Vous pouvez pas le laisser là. Et donc, j'ai eu une brillante idée. Brillante? J'ai vu que chaque grande station de radio a son emblème. Radio Contact a sa truite, le Deleuze a son lion, Radio Panthère a son énergie. Pourquoi pas nous? Mais quel est le rapport avec ce clocher, ce Falmi machin qui emboume l'entrée? C'est notre mascotte, René! Tu le respectes maintenant! Oui, mais tu l'attaches comment? À un porte-clés? Ou sur la façade? Où je mets le néon? Ben, je comprends pas ce que tu veux dire. Ben oui, ben c'est là tout le problème. Comme d'habitude, mon cher Guy. Une mascotte, c'est un dessin. Ils n'ont quelque chose de vivant. Mais on peut le dessiner ou en prendre une photo. Regarde la preuve. Ah, flûte. Ah oui, t'as raison. Comme il est trop gras des cheveux, ça fait un gros reflet blanc dans l'image. Mais tu fais de le passer à la machine à laver. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ce type a de représentatif de Radio Falminioul? Tu veux toujours tout compliquer aussi, toi. On ne peut pas tout avoir, hein. T'as une meilleure idée, toi, peut-être? Bien entendu, bah, tout à fait. Allez, viens, Guy. Rapproche ton oreille. Oui. Entends bien ce que je vais te dire. C'est peut-être la meilleure idée que tu vas entendre cette année. D'accord. Pas de mascotte! Ah! J'entends des sifflements dans mes oreilles! Excusez-moi les vieux, mais je fais comment pour rentrer chez moi? J'ai pas le permis de conduire et j'ai pas de sous non plus, moi. Oh, Comment toi ça va? N'en rajoute pas. Allez, oust, du balai. Quant à toi, Guy aussi, toi, t'as du balai. Hein. La prochaine fois, tu penseras à prendre au moins une mascotte sourde et muette. On aura la paix. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. En podcast. Et c'est Maëva qui pilote. Okay, boomer. Elle va nous faire jouer. Oui, je vous fais deviner. Oh là là, ça dérape à la première J'ai phrase, calé. Ça arrive toujours de caler au début. Ah oui, bah. Je sais de quoi je parle. Je vais vous faire deviner trois informations. Mais voilà, de l'actualité de ces temps-ci pour voir un peu. Et comme ça, après, bah, vous pourrez peut-être éventuellement briller en société. Éventuellement. Hein, éventuellement. Parce qu'il faut le retenir. J'ai préféré mettre le éventuellement pour vous prévenir. Première information, Dwayne Johnson lance une nouvelle ligne de produits tout à fait à son image. De quoi s'agit-il? Ah, on doit jouer? Oui. Je l'ai vu. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas qui est Dwayne Johnson, c'est aussi The Rock, on l'appelle, c'est le catcheur, qui est aussi acteur dans Fast and Furious, Jumanji, San Andreas, voilà, il fait plein de choses. Kix, tu levais la main? Bah, moi j'ai la réponse, donc allez-y. Ah, d'abord. Antoine. Antoine, alors. J'ai pas du tout vu passer l'info. T'as pas vu passer? Est-ce qu'il a fait des Ferrero Rocher, mais Dwayne Johnson? Non. C'est parce que c'est The Rock, c'est le caillou, lui. Oui, c'est vrai. Mais il a déjà fait. Rocher, caillou. Vous avez vu ça? Bravo. Oui. Mais alors, ça n'a jamais été un jeu de mots si pourri, mais c'est pas la première ligne qu'il lance. Hein. Il a déjà lancé sa marque de tequila, les boissons énergisantes, les vêtements. Wow. Voilà, mais rien d'aussi fun que ce que tu prononces. Mais c'est un propos, mais c'était pas ça. Kix, alors, du coup, la réponse? C'est très drôle parce qu'il est chauve et il a sorti une chaîne de shampoing. Exactement, voilà. Ça s'appelle Papatui. C'est sa propre ligne de soins pour hommes. Et donc, comme tu l'as dit, il est chauve. Et ça met un peu tout le monde en fou rire. Parce qu'en fait, il y a un shampoing et un après-shampoing. Alors, il avait anticipé le truc hein, pour être drôle, Dwayne Johnson. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Il a mis un slogan: mes cheveux auraient adoré ce shampoing et après-shampoing deux en un. Il est trop fort. Voilà, il avait anticipé la vanne. Deuxième info, pourquoi la moitié. Ah oui, il faut changement d'ambiance. Excuse-moi. Changement d'ambiance. On laisse couler derrière. Ne rebondis pas. On change le vénile. Pourquoi la moitié? Attends, ça a raison, attendez. Je remets une ambiance musicale sur la platine. Attention, l'aiguille. Pourquoi la moitié des Américains qui ont TikTok ont des problèmes de digestion en ce moment? Ils ont bouffé le téléphone. Des Américains sur TikTok? Sur TikTok. Petit indice, c'est par rapport à une trend. Ah ok, j'allais dire à cause de la météo ou quoi, enfin un truc qui est dans l'air ou... du coup, non, j'aurais dit l'air. Donc, Non, c'est pas ça. Jadoul? Des problèmes de digestion à cause de TikTok. Il fallait faire une... Oui, il faut genre se mettre la tête à l'envers et du coup t'as tout l'estomac qui te... Non, c'est tu pas ça. Ok, d'accord. C'est pas manger trop rapidement? Ça a un rapport avec manger, mais pas trop rapidement. Ah! Ah non, t'as déjà interrogé, toi. Oh, mais il y a peut-être une bonne idée. Vas-y, allez, c'est quelque chose de piquant? Non, pas du tout. Okay. Merci. C'est pas ça, c'est par rapport à la trend de la Green Goddess Salade. Donc, c'est bien une salade. La Green quoi? La Green Goddess Salade. Ça s'appelle comme ça parce que c'est super light et c'est composé que d'aliments verts. Donc, en gros, tu dois couper en tout petit des choux, des jeunes oignons, du concombre et de la ciboulette. Puis, tu vas faire une espèce de sauce en mixant des épinards, de l'échalote, épis, jus de citron, noix de cajou, bref. C'est vraiment la salade gourmande, entre guillemets, et hyper peu calorique. Ça vient d'une TikTokeuse américaine qui s'appelle Baked by Melissa. Et elle suggère aussi de le détourner en apéro avec les petites cheese. Bref, okay. Kim Kardashian a vu ça et l'a dit qu'elle avait adoré la tester. Des mannequins l'ont testé aussi. Et donc, du coup, tous les internautes ont voulu le tester à leur risque et péril. Parce que oui, grande quantité de crudités, uniquement même des crudités, on va pas se le cacher. Niveau digestion, ça fluidifie, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, même la laine. Hein. Bah alors, imaginez les Américains. Les Américains qui sont élevés au biberon de cheeseburger et qui mangent pas souvent des crudités, mis à part s'il y a des tomates dans leurs tacos. Devinez ce qui s'est passé pour eux. Alors c'est marrant parce que maintenant quand tu tapes Green Goddess Salad, t'as deux types de vidéos vis-à-vis de cette trend. T'as ceux qui veulent la réaliser, qui disent trop bon, so healthy. Et puis t'as ceux qui font le témoignage du lendemain en disant oh my digestion. Et même beaucoup de Français en fait, même pas que les Américains, ont eu des gros problèmes de digestion. En gros, ils sont restés coincés aux toilettes et ont eu des grosses crampes au ventre. Du coup, c'est le moment d'aller rechoper le trône d'or là dont on parlait. Il y a quelques minutes, on parlait d'un trône en or. Bon, ah ouais, là c'est royal. On fait de la tourista ici. La troisième info, Mickey va devenir encore plus riche à cause de quoi? Bah, ils ont perdu les droits avec Mickey. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui a été racheté? Est-ce qu'ils ont racheté de nouveau les droits et sorti un truc? Non, pas du tout. Mais c'est large, Mickey, c'est Disney, je pense. Disney, oui, voilà, c'était façon de parler. La petite souris, quoi. La petite souris? Antoine, une idée? Oh, je sais pas, il y a un truc qui va sortir sur Disney Plus et qui va être super populaire. Ah, tu brûles avec Disney Plus. Jadoul? Je sais pas, ils vont encore gonfler leurs tarifs à mort. Exactement, c'est une mauvaise nouvelle en fait que je vous annonce, ça concerne Disney+, comme je le disais. Et mais comme Netflix, ils vont aussi interdire le partage de comptes. Donc dès juin, il y aura des contrôles et un message d'alerte va apparaître lorsque vous l'utiliserez en dehors de chez vous, de votre foyer, donc sur un autre Wi-Fi en gros. Alors, si c'est occasionnel, genre en vacances, pas d'inquiétude, comme Netflix, ça passe. Mais si c'est trop récurrent, vous allez recevoir un petit message vous invitant à payer le supplément. Moi, est-ce que par exemple... Attends, quand tu gardes le même compte, mais que tu te déplaces, juste, ça compte pas comme si tu le partages à quelqu'un d'autre? Bah, ça dépend. Ça dépend si c'est trop récurrent et souvent s'ils voient si c'est au même Wi-Fi que tu te connectes. Par exemple, moi, je vous explique, je vais parfois chez ma maman et chez mon papa, il m'a déjà fait la remarque. Oh, de... t'as des parents, c'est pareil. Mais oui. Parlons-en. Et donc, du coup, c'est toujours les mêmes. Donc, le foyer mère est chez maman et vu que je me connecte souvent chez et papa, le foyer père chez il m'a papa. Dit, en gros, il soupçonne qu'il y a un deuxième utilisateur chez papa alors que non, c'est juste moi qui voyage. D'accord. Vous savez, depuis que Netflix a mis en place le truc de partage de compte interdit, ben moi, j'ai plus Netflix depuis. C'est vrai, ça t'a. Bah oui, j'étais sur le compte de ma mère. Et puis elle a dit hey, moi je garde Netflix hein. Bon bah ok, moi j'ai plus rien là. Bon bah voilà. Mais Mario Kart. Tu peux, peux payer ton propre compte Netflix. Mais je suis un étudiant sans le sou. Mm-hmm. Ouais. À revoir le studio, j'en doute. Ce n'est pas à moi. Déjà. C'est un Netflix. C'est un Netflix, ce studio. C'est tout, Maëva? Oui, c'est tout. Merci. Avec plaisir. Bisous. Bisous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Ah, ça fait longtemps. On va faire un chrono-quiz. J'adore ça. On va faire le tour de table. Le principe est simple, vous pouvez jouer avec nous dans la voiture. Bah, et dans la maison si vous êtes chez vous. Et dans la maison, oui, mais... vois mal les gens de nos jours avec un poste de radio à la maison. Sous la douche. Ou en podcast. Angélique, par exemple, elle nous écoute avec un poste chez Mais Angélique vit avec un malade mental. Pardon, c'est ta meuf, Antoine. Oui, bonsoir. Ah pardon, tu es là aussi. Oui, bonsoir. Tu nous entends? Oui. Oups, pardon. En stéréophonie. Non mais, Angélique est témoin. Je suppose qu'il y a une radio dans chaque pièce. Oui. À la banque. Minimum. Minimum. Minimum, bien sûr. C'est quoi le record de... T'as combien de radios à la maison? Alors attends. On peut faire la chronique, je te donne la réponse juste après. Non, t'as 5 secondes. Cite-moi toutes les radios 3, que t'as dans. 1, 4, 5, 6, 7. 7 ? 7. Seulement ? Seulement ? On va lui en offrir encore, attends. Sans compter la bagnole. Ah oui, mais la voiture, tu l'avais pas dans l'appartement. Et la voiture, il y en a un. La bagnole. Allez, on y va ? Oui. 5 secondes pour donner 3 réponses. On commence justement avec toi, Antoine. Ah. 3 petits tocs quand tu rentres chez toi. Laver les mains, enlever les chaussures et... Oh ! Le gong dans le nez. Ouais, non. Bon, tant pis. Les toilettes. Tu voulais dire embrasser ta copine. Ça marchait aussi. Il va se faire tuer. Allez, Il embrasse souvent le vent seul chez moi, donc... Bon bah... Allez, je fais ambiance. Maëva ? Oui. 3 lois que tu adorerais imposer au travail. Se laver les dents, mettre du déodorant et commander des sushis quand moi j'ai envie de commander des sushis. Waouh ! Bravo ! Mais t'as souvent travaillé avec des gens qui puent ? Non, c'est ce qui vient en tête, mais non, jamais. Ça marche aussi. Enfin, à part toi. Je rigole. Wow, à chaque fois, tu le prends mal. J'étais choqué. L'air de rien, elle nous a fait une squeezie, là. Hein. Bah, c'est le but du jeu. C'est vrai, tu vas dire. Merci, j'arriverai Kix. Pas, moi, je vais bégayer. Merci, Kix. Allez, concentre-toi, Kix. Oui. Donne-nous 3 mots que tu as du mal à prononcer. Anticonstitutionnellement. Ouais. Bonsoir. Non, je sais pas. Non, mais ça dépend de la phrase. Il n'y a pas des mots comme ça précis. Dyslexie, c'est un mot compliqué à prononcer. Milkshake pour moi. Milkshake pour Maïra. Aéroport, infarctus. Positivité pour Jadoul. Spécial vieux. Éclectique. Antoine, trois émissions que tu adorerais revoir à la télé. C'est pas sorcier, Colioco et J'ai pigé. Merci, c'est quoi J'ai pigé ? J'ai pigé, c'était une émission sur la une de la RTBF, c'était présenté par Thomas Vanham et il faisait des expériences scientifiques en studio avant public, etc. Il fait la météo maintenant, non ? Ah non. Bon, bah, je connais pas non. Thomas Vanham. Bon, pas Vanham. C'est pas grave. Maëva ? Oui. Trois choses que tu trouves meilleures quand c'est gratuit ? Mais tout ce qui est gratuit est béni. Le sexe. Tout. Non, j'ai pas. Tout. Elle est ratée. Tout ce qui est gratuit est béni. Mais tout. C'est... On te demande trois trucs. Donc, mais si tout, tu pouvais dire tout. Donc, genre, je sais pas, un milkshake. Elle aime pas quand je me moque de son milkshake. Moi, je rigole pas, c'est pas ta mort. En vrai, je me rends pas compte que je dis pas milkshake. Milkshake. Milkshake. Ok, c'est bon. Allez, dis-le un bon coup. Milkshake. Milkshake. Pas mal. Allez. Kix, trois habitudes que t'as au coucher. Enlever mes lunettes, bien mettre le drap au-dessus de mes épaules et être en pyjama. Pas mal. Oui, tu es dans le temps. Et ça... tu as fait un geste. Hein, pour t'aider. T'as voulu m'aider et je ne le fais plus, c'est-à-dire je ne mets plus de gouttes pour le nez depuis au moins quelques mois. Oh, mais non, il est pas vrai. Non mais attendez, ça va faire plus de 10 ans que je le connais, je l'ai toujours connu avec des gouttes pour le nez. Et la preuve, si on regarde dans mon sac, je pense que j'en ai pas, je pense. Mais... Et on avait fait une discussion pour ça, je soupçonne quoi. T'avais voulu faire une antenne libre en fait, où on disait n'importe quoi, et je soupçonne que c'était voulu pour faire une alarme vers Kix vis-à-vis de ses problèmes de gouttes. Ouais, je pense que j'étais visé ce jour-là. Ouais. Non mais c'est une discussion qui a peut-être servi à cette décision. Oui. Qu'est-ce qu'a fait le basculement ? J'avais juste envie d'essayer de ne plus en mettre. Voilà, est-ce que c'est pas cette info que je t'avais donnée sur le fait qu'il y ait des trucs cancérigènes dans les machins ? Non, parce que je continuais. Je suis sûr qu'on t'a aidé, fais pas genre. Non, non, parce que mon père qui le fait toujours, enfin qui fait ça aussi, il le fait toujours. Ah. Donc. Ah. Bon, après voilà, il y en a qui arrêtent la clope, lui il arrête le spray pour le nez. Voilà. Bon. J'ai un patch anti-nésif. D'autres addictions dans l'équipe ça va. Non. Bon, bah super, merci, c'est très sympa. Merci de nous avoir choisi dans un instant. Oui. Elle est de retour. Qui ça ? Maëva. Ah mais j'étais jamais partie. Hein. Elle n'est pas contente. Ah bon ? Elle a son milkshake à la main. Et elle va nous communiquer des informations au sujet de ? Eh bien au sujet de la mode, la nouvelle mode 2024. Je vous en dis pas plus. Oh. Là avec toi on va être tendance ? Ouais, c'est un peu, c'est quelque chose de farfelu que j'ai remarqué. Bon bah tu sais, on avec va nous... décortiquer ça ensemble. Oh. Je vais préparer rince-doigts. Écoutez ma belle voix, suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Wow. Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Hey, come on, you. Let's go. The molaire. Oh. J'ai pas le dire. Vas-y, dis-le. Je veux dire la molaire du fond, mais mon anglais est tellement parfait que je ne sais pas comment on dit ça. Bah, c'est simple, en anglais, la molaire du fond, tu veux que je te le dise en anglais? Vas-y. Hey, the molaire of the back. Bottom. Oh, ça va. J'ai plus simple. Not you. Back. Yes, you, la molaire. Bref. The big of the end. J'ai un petit sujet un peu plus intéressant que votre... Ah pardon, vous êtes là pour vous lire. Ah oui, on y va. Voilà. Donc en fait, tout a commencé alors que je scrollais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo un peu beaucoup très complotiste. Alors jusque-là, rien de bizarre, hein, la routine comme on dit sur TikTok. Sauf que pour une fois, derrière les théories délirantes, bah, y avait les faits sur la vidéo qui étaient plutôt vrais. On est d'accord que la mode de ce début 2024, c'est clairement le style de Texas Cowboy. Oui, oui. Mais du coup, pourquoi ? J'approuve. Mais pourquoi ? Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches. Alors ça a d'abord commencé dans la mode, hein, ce début d'année en janvier, avec les Fashion Week, etc., le style chapeau cowboy, c'est dur à dire. Santiago, chemise en jeans, frange, etc. Notamment avec le défilé Vuitton dirigé par Pharrell Williams. Bref, beaucoup de western mis en avant. Et ça a continué avec les looks des Grammys, avec les couvertures des magazines comme Vogue, où on avait Rihanna en total cowboy, etc. Et c'est simple, sur Pinterest, on remarque une augmentation de 90% des recherches pour des termes tenues country au cours des derniers 90 jours. Okay. Donc ça intéresse vraiment tout le monde. Mais c'est pas que là, ça s'est aussi propagé sur la musique. Ah oui, il y a Beyoncé qui a fait un album Beyoncé de country. Oui, exactement. Attends, je sais pas mettre le fond. Je vais te le mettre. Ah, c'est pas celui-là ? Oui, c'est ça. Ah, bon, merci. Exactement, c'est son nouvel album Acte 2 avec le single Texas H&M. Oh, j'avais des sons à lancer ! Mais oui ! Ah, bon ? Ah ben oui ! Elle se rappelle de ça maintenant. Mais non, mais c'est trop petit ton truc. Et on l'isole. Je parle de la boîte. Allez, c'est parti. Bref, c'est la reine de la pop qui décide de se mettre à la country. Il y aura aussi Lana Del Rey qui aura un prochain album qui sortira en septembre qui s'appellera Lasso et elle l'a dit que ça allait être de la country aussi. Il y avait déjà aussi Lil Nas X, qui avait commencé à remettre la country au goût du jour avec All Star Road. Ça, c'est un peu de country, ça ? Oui, hein. Oui. Bah oui. J'ai un serpent dans ma botte, hein. C'est rigolo, ça, oui. Et d'ailleurs, c'était en featuring avec Billy Ray Cyrus, qui est le papa de Miley Cyrus, mais qui est aussi chanteur de country. Donc tout est lié. Okay. On a aussi Nicki Minaj, qui avait un total look country sur ses derniers concerts. Et aussi la musique de Dasha, qui s'intitule Austin, comme la ça, c'est déjà un peu plus country. Oui, mais là, on est en plein dedans. Voilà. Et ça, elle est sortie en 2024. Et Austin, comme la capitale du Texas, bien évidemment. Et sur TikTok, c'est une trend. Tout le monde danse là-dessus. Et tout le monde fait la trend. Enfin, même des acteurs connus, etc. Enfin, bref. Et ça va aussi jusqu'à la télé, la country et le Texas, etc. Parce qu'on a Texas Rangers. Non, mais non, c'est modernisé quand même un petit peu. Avec des petites touches de science-fiction, de comédie ou même de sitcom. Mais il y a des séries cowboy comme Yellowstone qui sont sur Paramount, The English sur Prime Video, Django sur Canal+, bientôt sur Netflix, il y aura American Primeval. Toutes des séries un peu cowboy comme ça qui reviennent à la mode. Et donc du coup, pourquoi c'est à la mode ? Pourquoi ça revient ? Il n'y a pas vraiment d'explication. On peut dire que c'est la Fashion Week un peu qui a lancé le goût du truc, quoi. Moi, je reviens à ma petite vidéo de TikTok qui était un peu sur une théorie du complot. Moi, je pense que juste que la mode se démode et puis revient à la mode. On avait eu un petit peu un retour de ça aussi dans les années 90 avec Madonna qui avait eu un peu un style country, etc. Ou alors la fille de la vidéo TikTok que j'ai vue a raison. Et en fait, c'est les gens du gouvernement qui nous informent que c'est bientôt la guerre parce que Texas égale cowboy égale serpent égale, égale fin du monde et grande guerre. Illuminati. Je suis pas sûre que c'était ça non plus, hein, mais. Mais c'était. Tranché. C'est tout ce qu'on retiendra. Merci Maëva. Avec plaisir. Cordialement. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. Et je suis pas prêt. Là, j'ai plus de son. Ah merde, j'ai plus de son. Vous avez du son, vous ? Non. Ah ouais, moi j'ai plus de son. Tata la tata. Qu'est-ce que t'as fait ? Allez, interlude. Attends, plus de son dans ton casque ? J'ai plus de casque. Bah tiens, prends le mien. Tiens, prends le mien. Non mais attends, non mais c'est l'ampli casque qui a merdé. Ouais, attends, tu sais brancher ça chez toi ? Oui. Toi, t'as pas besoin de casque, toi. Attends. Bon, voilà. Vu le pauvre. Non, qu'est-ce que. Mais je vous entends pas, moi. Je vois des priorité au direct. Je vois des bouches bouger. Je sais pas qui vous êtes. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Tu peux me brancher ? Jadoul, je veux des sous. Jadoul, je veux des sous. Et tu trouves le trou ? Ah, j'ai du son. Titre. Du coup, t'as celui-là sur mes lèvres ? Attends. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elles ont tes lèvres ? Je disais un truc et t'as pas celui-là sur mes lèvres. Non, mais. Ok. J'ai loupé une information importante ? Non, je voulais juste des sous. Ah, bon. Ça. Alors ça. Oh, c'est mignon, on m'envoie, on vous entend. Ben oui, ben voilà. Je me suis inquiété pour rien. J'ai vraiment. Mon casque a lâché. Voilà. Mais comment ça se fait ? Mais je sais pas. Vous savez, en fait, on vient de rénover ce studio, donc c'est que la deuxième semaine qu'on l'utilise. C'est déjà moche. Tu sais, c'est maladie de jeunesse, dirons-nous. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on a récupéré les anciennes prises jack de l'ancien studio, sauf qu'elles sont immondes, elles sont plus vieilles que nous tous. Ah ouais ? Et elles ne marchent pas comme il faut. Donc, bon, voilà, compliqué. Bref, merci de nous avoir choisis. Je ne sais plus du tout ce qu'on voulait faire. On nous faisait perdu sur Internet. Oui. Ah oui, mais comme vous m'avez parlé durant la musique et que j'ai pas eu le temps de préparer, bah, j'ai pas le temps, donc on va faire après. Va remettre un titre. D'accord. Bah. Remets à c'est disque. Quoi cette excuse pourrie ? Vous me causiez. Toi, tu te plaignais du studio. Lui, bah. Il parlait de ses pieds. Et Antoine, il tourne l'œil. Non, c'est compliqué. Mais, bon, merci de nous avoir choisis. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, Jajadoul sur Instagram. Et sur mon TikTok. Tiens, ah oui, ça, hier soir. C'est une blague. Je me suis dit. C'est une blague. Il faut absolument que je fasse un peu monter mon TikTok, comme ça on vous fera des lives de l'émission. On vous fera des. Mais à chaque fois que je te parle de trend TikTok, tu me dis oh, j'ai pas TikTok, je connais pas TikTok. Non, mais je viens de créer mon compte TikTok. J'ai une question. Est-ce que on pourrait faire, enfin il faut avoir 1000 abonnés, des lives durant l'émission? Et c'est ce que je viens de dire. Ah pardon. Oh. Non mais j'ai plus de casque moi. Oui c'est vrai, oui on l'excuse. Bah, je suis en face de toi. Oups. Ça fera un nouveau jingle, voilà, hop. C'est vrai, on va le garder. Non mais on va essayer de franchir les 1000 abonnés, allez c'est pas compliqué, je vais regarder. J'en ai combien là? Attendez. Et ça ressemble à quoi? T'en avais 100 et quelques. C'est vrai? Ouais. Non, t'en avais 90. Alors j'ai. Ah ouais, j'en ai 91. Voilà. 91 abonnés. Une abonnée. C'est bien. Il m'en manque que. 800. Bah ouais. Non, 909, pardon. Ouais. Mon compte TikTok, c'est Jadoulito. Ouh là là. Aïe, je me suis pris le micro. Je me suis mangé le micro. Attends, mais ça s'écrit comment, Jadoulito? J-A-D-O-U-L. Ito. Oui. I-T-O. Jadoulito. Okay. Parce que Jadoul s'était déjà pris par un connard. Donc. On embrasse. Allez, dès maintenant, vous abonnez à Jadoulito. Voilà. Et comme ça, on va faire des lives. Voilà. Ça promet. Non, bah, vous verrez l'envers du décor et tout, ça va être bien. Oui, vous verrez vraiment la gueule de ces gens. Et puis. Et de mes pieds surtout. Non, ça non. Mais vous ferez une opinion sur l'émission. Non, ça va être sympa. Antoine, t'as TikTok? Je dois avoir TikTok, oui. Allez, un follow. Oh, ça fait un follow de plus. Mais vous êtes vraiment des boomers. Je vais téléphoner à ma mère. Est-ce qu'elle a TikTok? Ma maman a TikTok. Maman. C'est vrai? Maman. Isabelle, abonnez-vous, s'il les vous plaît. Les pages jaunes, on va appeler tous les numéros. On va appeler. Non, mais je me dis que là, si, y a au moins une personne qui écoute en ce moment la radio, qui prend la peine d'aller s'abonner à Jadoulito, c'est un petit pas. Mais un grand pas franchi pour nous. Je regarde si ça augmente en même temps. Je vais aller voir ça. Non, t'inquiète pas, ça saurait si ça augmente. Allez, vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir choisis. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Perdu sur Internet, je vous propose trois chemins pour aller vous égarer. Quel est le bon chemin? Le premier, les trois gitans. Les... Je les découvre en live. Hein. Les trois gitans alcooliques. Ah. Yay. En deux, prise au vent. Oui. C'est poétique. En trois, les nuls pour les nuls. Les nuls pour les nuls, le C. Les trois gitans alcooliques. Prise au vent. Allez. J'ai une bonne nouvelle, on a une bonne réponse cette semaine. Forcément, chacun a choisi une proposition. Maëva, oui. Vous êtes perdu sur Internet. Voici les trois gitans alcooliques. Yes. On aura tout fait dans cette séquence. Et vraiment, je ne sais pas comment vous les introduis, enfin vous les présentez. Oui, non, ne nous introduis pas ça, s'il te plaît. Alors le mieux, c'est d'écouter le début de leur vidéo. Quand t'es encore bourré, William Lomsom. Oula. Lomsom. Il va essayer de démarrer une phrase, mais il sent que son pote n'est pas trop concentré. Ouais, mais comme t'es encore bourré, écoute-moi bien. Attends, je vais retirer la lumière. Regarde, hein. Je vois mal. Bon, maintenant, tu m'écoutes ou pas? Attends. Putain, je dois mettre tout bazar. Voilà, il veut me filmer parce que je le filme. Oui, ils se filment mutuellement, vous avez compris, hein, voilà. Inception de la vidéo. Bah finalement, c'est ça qui devient l'objet de la vidéo. Quel con, c'est. Regardez. Voilà. C'est quoi cette tête-là des chiottes, hein, c'est vraiment un con. Il sort du goût. Il faut pas te cacher. Allez, fais pas le con. Tellement qu'il est con. Il n'y a plus de sérieux. Voilà. Oui. Allez. Il faut faire un moment, je pense qu'il faut faire juste un petit... Parce que la gorge est encombrée. Et ce qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure de cette vidéo, on apprend pourquoi ils se sont vus aujourd'hui. Il y en a pas quelques heures, il m'a dit de venir chercher un PC. C'est ça, quoi. Et maintenant, il me dit, je me souviens même pas que je t'ai vu. Voilà. Ça doit être sympa d'aller passer chez eux, faire un coucou. Ils sont très très loin, très loin. Tiens, j'ai même plus de batterie. Voilà, donc tu vois que tout ce que tu fais, c'est foutu en l'air. Dirigeant. Moi, j'ai fait cette vidéo... Tu me donnes des trucs de faible. Voilà, un détecteur qui détecte tout le fer et tout, et lui, il croit qu'il va savoir. Tu me perds de merde. Perdu. Tu me fais quoi, toi? Bon, moi, je te laisse. Hein. La misère, quoi. Parce que je sais même pas parler. Ah non, moi, ça sert à rien. Voilà. Attends, il parlait entre. Quoi? Ah, ils parlent entre eux, là. Et je pense qu'il manque un peu des voyelles à la fin, non? Il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de connexion, là. Il y a des soucis de... Je sais pas. Je ne sais même pas où on était en Belgique. Ce qui est sûr, c'est qu'on était en Belgique. Ah. Ok. Bah, attends. Non. Hein. T'as dit les gitans. Les gitans, c'est des gens d'à travers le monde. Oui, mais Maëva, quand tu dis. Donc t'es encore bourré. T'es en Belgique. Ah, c'est vrai. À un moment, oui, merci. C'est Jadoul. En podcast. Petit test voix, Maëva, 1-2-1-2. Oui. Parfait. La music machine. La music machine. La music machine. La music machine. Une petite bulle de savon. Oui, je me suis transformée en petite bulle de savon. Antoine a été éclaboussé. On est partout. Oh bah dis donc. Alors. Bon, oui, il faut bien de temps en temps. Bah oui. Ça aussi, on isole. Allez, bienvenue. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous présente un homme qui va changer votre soirée. On ne maîtrise pas, maîtrise pas. Bonsoir. Bonsoir, pas. Il est timide. J'étais surprise. Vous pouvez rentrer chez vous. J'étais surprise. Oui, vous pouvez rentrer chez vous. Vous voulez que je rentre chez moi? Oui. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le bon. Bon, je me suis trompé. Je rentre chez moi, tant pis. Au revoir. Bonsoir. Bon retour. On coupe. Allez. Bonne nuit. Je vais vous présenter un homme qui va changer votre soirée. Il a même son propre jingle. Je suis maître le feu. Bonsoir, maître le feu. Moi, je voulais pas venir. Eh ben, tant pis, vous êtes quand même là. Il maîtrise pas, prend un peu de vacances. Il était là durant 3 semaines. D'accord. Vous nous rappelez le principe du jeu, peut-être le Blenklet, s'il vous plaît, maîtrise pas. On n'a pas le temps. Maître le feu. Ben, il y a des gens comme moi, ils sont sur TikTok qui font. Oui, bon, bref, attendez, je vais l'expliquer parce qu'on n'aura pas le temps. En gros, tout vient de TikTok. C'est un blend test. Il faut trouver titre, artiste. Des covers TikTok. Ouais. Kix joue. Ouais. Maëva. Oui. Antoine est chaud. Ouais. Alors, attention, voici la toute première manche. Quand j'ai peur, je fais. Reste veille, je sais. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser. Tu viens qui sait. Je me déconne. Vita, moi. Oui. Vita et Slimane. Non, pas Slimane. Bah, Vita et. Et. Attends. Non. Je sais plus. Vita. Oh, t'as quand même dit Vita. Et Jules. Bravo, version TikTok. C'est que ça les dérange, c'est que ça les dérange. Si j'y parle sur mon dos, on marche à la poche. C'est que ça les dérange, c'est que ça les dérange. Wow. C'est qu'ils partent sur mon dos, on en a rien à foutre. Pardon. Il est passé dans. On en avait rien à foutre. Oui, ça c'est sûr. Ouais, il fait peur, Brian, parce que. Oh là là là. Et mon fatigué, parce que ça me cédait, pas que fatigué, de toujours ma parole. Toujours ma parole, oh, vas-y, laisse-les parler, vas-y. Vas-y, je laisse-les faire. Je peux tout m'en aller, je peux me laisser faire. Oh yeah. Un petit cours de logopédie peut-être. Oh bah oui, je pense, ça s'impose. Allez, bravo Kix. Merci. Tu démarres bien. J'espère que tu continueras sur cette tendance. Ça aussi on garde. Attention, voici la deuxième manche. Jouez avec nous de l'autre côté de la radio. Madonna, Vogue. Bonne réponse. Vogue. So beautiful, magical, laughable, so get up on the dance floor. Vogue, let your body move to the music. Hey. Ah, franchement, il est à fond. Ah, c'est notre ami, ça. Oui, notre ami. You got to. Let your body move to the music. Ooh, attention, la fin. Il en peut plus. Il a bout souffle. Il est planté. Vogue. Et c'est tout, il a pas fait de fin. Oh non, le bye. Il l'a pas fait à cap. Non, bah non. Même pas. Il l'a pas fait. Non, bon. Allez, petit récap. Je suis maître le feu. Pas mal, ces deux premières manches. Vogue. Ah, c'était vous le TikToker? Oui. Vogue, Fang. Merci. Est-ce que vous pouvez juste nous dire où on en a dans les points, s'il vous plaît? Maeva et Kik sont tous les deux un point. Et Antoine, ben... Il en a pas. Il vogue. Il vogue. Vogue. Vogue. Vogue. Oui, c'est bon. Allez, merci. On y va. On fait la troisième manche, s'il vous plaît. Concentrez-vous tous. Il va être sympa encore, celui-là. Moi, j'ai la réponse. Ouh. Florent Pagny, savoir aimer. Quoi? Mais quoi? Oh là là. Égalité. Mais je ne m'attendais pas à préparer la suite. Je ne m'attendais pas à ce qu'Antoine soit aussi vif. Bon, on écoute un peu Jocelyne quand même. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Elle est joyeuse, hein, Jocelyne. Ouais, ouais, franchement. À côté de Florent Pagny. Apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Moi, je trouve que Jocelyne, elle a apporté une vraie nouveauté à cette musique. C'est quoi, un tabouret et une corde? Une belle nouveauté, ça. Allez, encore un petit peu, parce que franchement, on s'en lasse pas. Ah oui, vraiment. Bah, c'est ce qu'on te demande. Mais elle n'est pas dans le temps. Allez. Waouh. Là, maintenant, on est de bonne humeur. Allez, on est remonté. On est remonté comme un coucou. Le suivant, je pense que tu peux aussi facilement l'avoir, Antoine. Ah. Avant-dernière manche, écoutez bien. Claude François, si j'avais un marteau. Bravo, Maeva. Oh. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage. C'est la cloche de la liberté. Mais la chanson, c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, pour moi, c'est le bonheur. Je dis Claude François. Et pour toi, c'est le bonheur. C'est incroyable. Allez, voilà, c'est un kiff personnel. En vrai, je suis pas si fan que ça. J'aime pas trop Claude François. Mais ah ouais, ça, c'est personnel. En revanche, Paulette. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Vu que tu kiffes pas trop Claude François, est-ce qu'on peut dire que le courant passe mal entre vous? Oui. Oh non! Pas mal. D'accord. Pas mal. Pas comme si on avait fait cette vanne la semaine dernière dans le Family Newl. Ils ont fait ça, Family Newl? Oui. Ah bon? On a écrit ça la semaine dernière, oui. Pour moi, c'est le bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Ah, parce que c'est vous. Enfin, pardon. Non, non, non, non, rien. Ne fais pas de lien. Je suis maître le feu. Mettre le feu, s'il vous plaît, rapidement, avant de faire la finale. Qui est en tête? Maeva, elle a 2 points. Alors qu'Antoine et Kik, ils en ont aucun. Alors, on y va, on se fait la finale. Concentrez-vous, c'est notre ami Daddy Miles. Ah. Voilà, tu verras là. Ah, grand Jojo! Non. Merde. C'est pas qui chante. Allez, ça. Allez, viens boire un petit verre à la maison. Ouais. Ah, on a le titre de Kik. Licence 4. Bonne réponse! Attendez, non, j'ai un petit problème. Il faut d'abord que je mette l'annonce du titre. On poursuit avec le titre suivant. Eh bien oui, pourquoi pas ici. Viens boire un petit verre à la maison. Ah bah là, ça change tout de suite. Hein. Franchement, c'est vachement mieux. Version d'Eddie Miles. Allez, viens boire un petit c'est plus posé, c'est l'apéro un petit rosé, quoi, là. Il y a du rouge, du saucisson. Égalité entre qui et qui? Entre Maeva et Kix. Vite, on se départage avec une et manche. Et le grand Jojo l'avait fait. Et Antoine aussi, mettre le feu. Il a donné l'artiste, non? Oui, c'est ouais. Vrai. Ah oui. Donc c'est une égalité parfaite et totale. Oui. Ah ouais, bah c'est super. Oui. Vous savez qu'on a plus le temps. Oui. Bon bah alors c'est fini. On reste sur cette égalité, c'est parfait. Voilà, c'est la fin de l'émission. Bah Maeva, regarde l'heure. Ah oui, 22h14 et 40. Mais vite fait, là, le temps qu'on discute, on l'aurait fait. Ouais. En 20 secondes. Allez, oui. Dernière. Ah non, c'est mort. 5, 4, 3. Non, mais franchement. Bonne année. Ni demain, ni jamais. Non, mais regarde, là, 3, 2. Régine, n'y touche pas. 1. Bonne année. Voilà, ça part, ça vient pas de chez moi. Bon, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir fait confiance encore ce jour. Et on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, partout en podcast. Oui, portez-vous bien. Le TikTok. Ah oui, le TikTok. Jadoulito, allez vous abonner si jamais on franchit un jour le cap des 100 abonnés. Des 1000. 1000. On est presque au 100. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.